les voici à Bordeaux pour cette saga numéro 379, le Live Fab Four. John, Paul, Ringo, George sont à Bordeaux. Et j'espère que ça va vous plaire. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct du stade bordelais et on va voir qui commence le show. Forcément, c'est With a Little Help from My Friends. C'est Ringo qui commence sur RG. En forme apparemment et qui enchaîne avec Photograph. Vous êtes sur RG, on retransmet le concert de John Paul Ringo George à Bordeaux. I'd make it the day you went. Ringo Starr Sodian qui a bien fait le boulot pour le début du concert et qui est en train de dire « Maintenant, je vais laisser la parole aux copains ». Et John et Paul et Georges ont dit tous ensemble « Non, non, tu continues, sinon on se barre ». Et ils ont fait semblant de s'en aller. Et je pense que, oui, Ringo vient de dire « Bon, je vais vous chanter une chanson de John ». Alors, c'était en 1973 et cette chanson, c'est « I'm the greatest ». Bon, bah alors vas-y Ringo, c'est toujours à toi. Forcément George Harrison sur la RG. chanson de Ringo Starr, deux chansons de George Harrison, c'est My Sweet Lord maintenant sur RIG 90.7. comme vous le dites sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, My Sweet Lord, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Comme celui-ci, il enchaîne sur une chanson des Beatles, George Harrison, Here Comes the Sun sur RG. Enfin, il marque une petite pause pour faire des présentations. C'est ce qui est écrit sur mon tableau, dans lequel j'ai un petit peu la setlist. Mais oui, pour une fois, je suis au courant. Donc, je vais en profiter pour enlever le retour et vous dire ce qui s'est passé. Ringo est rentré sur With a Little Help from My Friends, mais il ne l'a pas vraiment beaucoup chanté. Il a commencé par It Don't Come Easy, Photograph, I'm the Greatest. Trois chansons. Puis, George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, My Sweet Lord, Here Comes the Sun. Et puis là, on s'arrête pour dire, eh bien, on est très content d'être à Bordeaux. C'est Paul qui parle. Et je vais vous proposer une chanson, une vieille chanson, une chanson de l'année 70 de Let It Be. C'est The Long and Winding Road. Alors, on va l'écouter et sachez que Paul McCartney va bientôt sortir enfin un nouvel album. On l'attend avec impatience. Ce sera forcément sur RG. Lovely Vita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Vita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. C'est la saga. remercie la régie d'avoir pensé à diffuser ce que j'avais oublié de dire. Long and winding road that leads to your door. Will never disappear. I've seen that road before. Times I cry. Anyway, you never know the many ways I try, but still they lead me back to the long and winding road. You left me standing here time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Absolument superbe. Merci Paul. Il attrape sa guitare. C'est pour Get Back sur RG. cette chanson rondement bien menée. Et c'est John qui continue avec Mother sur RG. You didn't want me. On peut dire que John a emmené le concert vers des morceaux beaucoup plus rock avec quatre chansons à la suite. Il a chanté d'abord Mother, puis Dizzy Miss Lizzy, et trois chansons à la suite, et ensuite Money, That's What I Want. McCartney n'en a chanté que deux. Est-ce que la balance va retourner du côté de McCartney? Je pense que oui, et d'après ce que j'ai entendu dire avant le concert, il nous réserve deux, trois surprises, Paul. Yeah, you were only waiting for the moment to be free. Yeah, you. dans cette saga numéro 379, le concert de John, Paul, Ringo et George. Et il continue, Paul McCartney. Love. Paul McCartney en forme pour Maybe I'm Amazed. Et il continue sur sa lancée, toujours là. You gave me the answer sur RG. reste des raisons. Avec moi de l'enfant, de François Zadi, ah oui. Toujours trouvé, toujours d'amour, de la toujours. Monsieur Pompadour avec. Il a tout arrêté pour pouvoir chanter, puisque c'est John qui va reprendre le lead. Hey, sit down and cool it for a minute so we can hear what we're going to do. And for those of you in the band who have no idea what's about to happen, this is an A minor, and it's not standard blues changes. But it's close. Yeah, this is a song I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. I haven't done it since. C'est une chanson que j'avais l'habitude de faire quand j'étais à la caverne à Liverpool. Je l'ai pas faite depuis. C'est Well, Baby, Please Don't Go, John Lennon. parle pas beaucoup parce qu'on essaie de garder la liaison entre le stade bordelais et la régie à Blanquefort. La saga des Fab Four, c'est la numéro 379 et on tente de vous donner l'intégralité du concert de John Paul, Ringo George à Bordeaux. Voici Come Together sur la RIG. Superbe version de Come Together. Ringo Starr est passé au piano et il dit, vous savez, avec les Beatles, j'ai enregistré plein de chansons. Et en fait, non, j'ai créé plein de chansons, mais aucune n'a été enregistrée jusqu'à celle-ci. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the

ça t'en presse à ce qu'ils disent What's my name? Voilà, Ringo. Ok, c'est fact. Ah, c'est Paul et Dance Tonight sur RG. Everybody gonna feel alright. Qui vient d'inviter Ringo à chanter avec lui. Est-ce que c'est la chanson qu'on espère? Oh, j'aimerais bien. Ce serait drôlement original d'avoir ça. We're on the road again en live. Paul et Ringo sur RIG. Time. Dans quelques minutes, ce sera Johnny de A à Z avec l'incommensurable, le fantastique Eric. Mais dans quelques minutes seulement. Pour l'instant, toujours le concert. Et c'est Magneto and Titanium Man sur RG. fin de concert, c'est tout bonnement complètement incroyable. Et pour nous quitter, les quatre ensemble nous chantent Good Night Tonight sur RG. RG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles. Thank you. plus dur que d'habitude, mais on a réussi quand même à aller jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et dans quelques instants, le président américain a rencontré, il n'y a pas longtemps, le maître de la Corée. Peut-être voudra-t-il rencontrer le maître de Johnny de A à Z, Eric. On ne sait jamais, il paraît que ça se murmure, il paraît que ça se fera, peut-être. On ne sait jamais. Donc, restez sur RG, en tout cas, pour tout savoir sur Johnny de A à Z avec Eric. Merci, bisous aux filles, prenez-moi aux garçons. Ciao. De Corée. Oui. Thierry aussi est très très fort en chorégraphie. Il en invente plein également, plein de chorégraphies chez lui. Il en prépare une actuellement et je pense que vous aurez des images d'ici la rentrée 2018 pour la nouvelle saison. Non, tu me l'as promis. Il me l'a promis, donc s'il me le promet, il vous le promet également. Chorégraphie pour la rentrée de la Saga Fin Fort en septembre. Vous l'avez noté, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça quand tu veux m'avoir. C'est ça. Ça se passe comme ça.